Suite et délivrance. Le lendemain, les enfants ne parlèrent dans la journée que du naufrage et des sauvages, du courage de M. de Rosbourg, de sa bonté pour Paul. « Paul, lui dit Marguerite, tu es et tu resteras toujours mon frère, n'est-ce pas ? Je t'aime tant, depuis tout ce que tu as raconté. Tu aimes papa comme s'il était ton papa tout de bon, et papa t'aime tant aussi. On voit cela quand il te parle, quand il te regarde. » Paul. « Oui, Marguerite, tu seras toujours ma petite sœur chérie, puisque nous avons le même père. » Marguerite. « Dis-moi, Paul, est-ce que ton père, qui est mort, ne t'aimait pas ?» Paul. « Je ne devrais pas te le dire, Marguerite, puisque mon père m'a défendu d'en parler. Mais je te regarde comme ma sœur et mon amie, et je veux que tu saches tous mes secrets. Non, mon père d'Aubert ne m'aimait pas, ni maman non plus. Quand je n'étais pas avec Sophie, je m'ennuyais beaucoup. J'étais toujours avec les domestiques qui me traitaient mal, sachant qu'on ne se souciait pas de moi. Quand je m'en plaignais, maman me disait que j'étais difficile, que je n'étais content de rien, et papa me donnait une tape et me chassait du salon en me disant que je n'étais pas un prince pour que tout le monde se prosternât devant moi. » Marguerite. « Pauvre Paul, alors tu as été heureux avec papa, qui a l'air si bon. » Paul. « Heureux comme un poisson dans l'eau. Mon père, ou plutôt notre père, est le meilleur, le plus excellent des hommes. Les sauvages même l'aimaient et le respectaient plus que leur roi. Tu juges comme je dois l'aimer, moi qui ne le quittais jamais et qui l'aimais comme il t'aime. » Marguerite. « Et comment se fait-il que le Normand ne soit pas resté avec vous ?» Paul. « Tu sauras cela ce soir. » Marguerite. « Oh, mon petit Paul, dis-le-moi, puisque je suis ta sœur. » Paul, l'embrassant et riant. « Une petite sœur que j'aime bien, mais qui est une petite curieuse et qui doit s'habituer à la patience. » Marguerite voulut insister, mais Paul se sauva. Marguerite courut après lui et appela à son secours Jacques, qu'elle rencontra dans une allée. Tous deux se mirent à la poursuite de Paul, qui leur échappa avec une agilité surprenante. Sophie, Jean, Camille, Madeleine et Léon s'étaient pourtant mis de la partie et couraient tous à qui mieux mieux. Quelquefois, Paul était dans un tel danger d'être attrapé que tous criaient d'avance « Il est pris, il ne peut pas échapper !» Mais au moment où on avançait les bras pour le prendre, il faisait une gambade de côté, se lançait comme un daim et disparaissait aux yeux des enfants étonnés. Ils revinrent dans leur jardin, haletants, et furent surpris d'y trouver Paul. « Tu cours comme un vrai sauvage !» lui dirent Sophie et Marguerite. « C'est étonnant que tu aies pu nous échapper !» Paul. « C'est chez les sauvages, en effet, que j'ai appris à courir, à éviter les dangers, à reconnaître les approches de l'ennemi. Mais voilà la cloche du dîner qui nous appelle. Mon estomac obéit avec plaisir à cette invitation. » Marguerite. « Et ce soir, tu achèveras ton histoire, n'est-ce pas ?» Paul. « Oui, petite sœur, je te le promets. » Ils coururent tous au salon où on les attendait pour se mettre à table. Après le dîner et après une très petite promenade, qui fut trouvée bien longue et que les parents abrégèrent par pitié pour les gémissements des enfants et pour les maux de toutes sortes dont ils se plaignaient, on rentra au salon et chacun reprit sa place de la veille. Marguerite ne manqua pas de reprendre la sienne sur les genoux de son père et de lui entourer le cou de son petit bras. « Je suis restée hier, dit Paul, au moment où mon père appelait le Normand pour abattre des arbres et construire notre hutte. Les sauvages s'étaient déjà mis au travail. Ils commençaient à couper lentement et péniblement de jeunes arbres, avec des pierres tranchantes ou des morceaux de coquilles. Mon père et le Normand arrivèrent à eux, les écartèrent, brandirent leurs haches et abattirent un arbre en deux ou trois coups. Les sauvages restèrent d'abord immobiles de surprise, mais, au second arbre, ils coururent en criant vers le village. Et on vit accourir avec eux leur roi et le chef ami qui étaient chez eux en visite. Mon père et le Normand continuèrent leur travail. À chaque arbre qui tombait, les chefs approchaient, examinaient et touchaient la partie coupée. Puis ils se retiraient et regardaient avec une admiration visible le travail de leurs nouveaux amis. Quand tous les arbres nécessaires furent coupés, taillés et prêts à être enfoncés en terre, mon père et le Normand firent signe aux sauvages de les aider à les transporter. Tous s'élancèrent vers les arbres qui, dans 5 minutes, furent enlevés et portés ou traînés en triomphe à travers le village, avec des cris et des hurlements qui attirèrent les femmes et les enfants. On leur expliquait la cause du tumulte. Ils s'y joignaient en criant et gesticulant. Quand tous les arbres furent apportés sur l'emplacement où devait être bâtie la hutte, mon père et le Normand se firent des maillets avec leurs haches et enfoncèrent en terre les pieux épointés par un bout. Ils eurent bientôt fini et ils se mirent à faire la couverture avec les bouts des cocotiers abattus, garnis de leurs feuilles, qu'ils posèrent en travers sur les murs formés par les arbres. Ils relièrent ensuite avec des lianes les bouts des feuilles de cocotiers et les attachèrent de place en place aux arbres qui formaient les murs. Ensuite, ils bouchèrent avec de la mousse des feuilles et de la terre humide, les intervalles et les trous qui se trouvaient entre les arbres. Je les aidais dans cette besogne. Mes petits amis, les sauvages, voulurent aussi nous aider et furent enchantés d'avoir réussi. Il ne s'agissait plus que de faire une porte. Mon père alla couper quelques branches longues et minces et se mit à les entrelacer comme on fait pour une clef. Quand il en eut attaché avec des lianes une quantité suffisante, lui et le Normand tirèrent leurs couteaux de leurs poches et se mirent à tailler une porte de la grandeur de l'ouverture qu'ils avaient laissée. Ils l'attachèrent ensuite au mur comme on attache un couvercle de panier. Les sauvages, qui s'étaient tenus assez tranquilles pendant le travail, ne purent alors contenir leur joie et leur admiration. Ils fermaient et ouvraient la porte comme de véritables enfants de 2 ans. Le roi s'approcha de mon père, lui frotta l'oreille de la sienne et lui fit comprendre qu'il voudrait bien avoir cette maison. Mon père le comprit, le prit par la main, le fit entrer dans la maison et ferma la porte sur lui. Le roi ne se posséda pas de joie et commença avec ses sujets une ronde autour de la maison. Il fit signe à mon père que cette nuit la maison servirait à ses nouveaux amis et qu'il ne la prendrait que le lendemain. Mon père lui expliqua, par signe aussi, que le lendemain il lui ferait une seconde chambre pour les femmes et les enfants, ce qui redoubla la joie du roi. Le chef ami regardait d'un œil triste et envieux, lorsque tout à coup son visage prit un air joyeux. Il dit quelques mots au roi qui lui répondit « Vansi, vansi, pravine !» Alors le chef s'approcha du Normand, frotta son oreille contre la sienne et le regarda d'un œil inquiet. « Mon commandant, dit le Normand, je n'aime pas ce geste-là. Le sauvage me déplaît. Au diable, lui et son oreille !»« Tu vas le mettre en colère, mon Normand. Rends-lui son frottement d'oreille. Si nous les fâchons, ils sont 1000 contre 1. Quand nous en tuerions chacun 100, il en resterait encore 1800. Et nous autres, expédiés, mon Paul restera victime de ta délicatesse. C'est vrai, mon commandant, c'est vrai cela. » En frottant son oreille contre celle du sauvage, « Tiens, diable rouge, la voilà, mon oreille de chrétien, qui vaut mieux que ton oreille de païen. » Le chef parut aussi joyeux que l'avait été le roi et donna un ordre qu'exécuta un sauvage. Il reparut avec le lien de l'amitié. Le chef fit à son bras et à celui du Normand la même cérémonie qu'avait faite le roi à mon père. Le Normand avait l'air mécontent et humilié. « Mon commandant, dit-il, si ce n'était pas pour vous obéir, je ne me laisserais pas lier à ce chien d'idolâtre. J'ai dans l'idée qu'il n'en résultera rien de bon, pourvu que je reste près de vous et de Paul à vous servir tous deux et à vous aimer. Je ne demande rien au bon Dieu. » Mon père serra la main au bon Normand que j'embrassai. Mes petits amis, qui imitaient tout ce que je faisais, voulurent aussi embrasser le Normand, qui allait les repousser avec colère, lorsque je lui dis « Mon bon Normand, mon ami, sois bon pour eux, ils m'aiment. » Ce pauvre Normand, je vois encore sa bonne figure changer d'expression à ses paroles et me regarder d'un air attendri en embrassant les sauvageons du bout des lèvres. Pendant ce temps, on avait apporté le repas du soir. Tout le monde s'assit par petits groupes comme le matin. Les femmes nous servaient. Mes amis sauvages me placèrent entre deux, en face de mon père, qui était entre le roi et le Normand, lié au bras du chef. Après le souper, que je mangeais de bon appétit, le chef délia le Normand, qui fut obligé de passer à son cou la moitié du lien, et chacun se retira chez soi. mais on voyait encore des têtes apparaître par les trous qui servaient d'entrée aux huttes. « Paul, me dit mon père, avant de dormir, remercions Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Après nous avoir sauvés du naufrage, il nous a envoyés dans une tribu de braves gens, où nous vivrons tranquillement, jusqu'à ce que nous ayons la bonne chance d'être recueillis par des Européens, ce qui arrivera bientôt, j'espère. Prions aussi pour ceux qui ne sont plus. » Et, me faisant mettre à genoux, entre lui et le Normand, à la porte de notre cabane, il récita avec nous le Pater, l'Ave, le Credo, le De Profundis. Puis il pria tout bas, après quoi il se leva, posa sa main sur ma tête et me dit « Mon fils, je te bénis. Que Dieu t'accorde la grâce de ne jamais l'offenser et d'être un bon chrétien. » Il m'embrassa ensuite, je pleurai, et je le tins longtemps embrassé. Avant d'entrer dans notre maison, nous vîmes tous les sauvages à l'entrée de leur hutte, nous regardant avec curiosité, mais en silence. Nous rentrâmes. Le Normand ferma la porte. « Il nous faudrait un verrou, mon commandant, » dit-il. « On ne sait jamais si l'on est en sûreté avec ces diables rouges. » Mon père sourit, lui promit d'en fabriquer un le lendemain, et je m'étendis entre lui et le Normand. Je ne tardais pas à m'endormir. Mon père et le Normand, qui n'avaient pas dormi, pour ainsi dire, depuis 4 jours, s'endormirent aussi. Dans la nuit, j'entendis ronfler le Normand. J'entendis aussi mon père parler en rêvant « Marguerite, Marguerite, ma femme, mon enfant. » Le lendemain, mon père et le Normand firent une seconde chambre à la maison où nous avions passé la nuit, comme ils l'avaient promis au roi. Puis ils bâtirent une autre cabane pour nous-mêmes. Le roi, impatient de s'installer dans son nouveau palais, y fit apporter tout de suite les nattes et les calebasses qui formaient son mobilier. Il avait aussi quelques noix de coco sculptées, des coquilles travaillées, des flèches, des arcs et des massues. Mon père tailla quelques chevilles qu'il enfonça dans les intervalles des arbres, et il suspendit à ses clous de bois les armes et les autres trésors du roi, qui fut si enchanté de cet arrangement qu'il appela tous les sauvages pour l'admirer. Leur respect pour mon père augmenta encore après l'examen des chevilles. Il ne pouvait comprendre comment ses chevilles tenaient. Mon père, voyant leur inquiétude, en fit une devant eux et l'enfonça dans une fente, à leur grande surprise et joie. J'aidai mon père et le Normand à préparer les chevilles, à couper des liens avec mon couteau, à chercher la mousse et la terre pour boucher les trous. Cette seconde maison fut bien plus jolie et plus grande que la première, et, malgré les désirs du roi clairement exprimés, mon père voulut la garder et la conserva pendant les 5 longues années que nous avons passées près de ces sauvages. Les jours suivants, il fabriqua des escabeaux et une table, puis il tapissa toute la chambre de grandes feuilles de palmier qui faisaient un charmant effet. Il fit aussi, dès le premier jour, une croix en bois qu'il enfonça près du seuil de notre porte et devant laquelle, matin et soir, nous faisions notre prière à genoux. Le dimanche et les fêtes, nous chantions aussi des cantiques, des psaumes et d'autres chants d'église que m'apprit mon père. Les sauvages, qui nous regardaient d'abord, voulurent faire comme nous ensuite. J'appris à mes petits amis les paroles que je chantais. Ils prononçaient d'abord très mal, ce qui nous faisait rire, mais au bout de peu de temps, ils prononçaient aussi bien que nous. Nous leur apprîmes, petit à petit, à parler français, et eux nous apprirent leur langage. Nous finîmes par nous comprendre parfaitement. Marguerite. « Oh, dis-nous quelque chose en sauvage, Paul, je t'en prie. » Paul. « Pelka miane kuruglu. » Camille. « Oh, que c'est joli, que c'est doux, qu'est-ce que cela veut dire ?» Paul. « Cela veut dire, je ne te quitterai jamais, ami de mon cœur. » Monsieur de Rosbourg. « Bresse nikulice, nane hapra. » Paul. « Non, mon père, non, jamais, je vous le jure. » Marguerite. « Qu'est-ce que papa t'a dit ?» Paul. « Mon père m'a dit, quand tu seras grand, tu nous oublieras. » Et moi je réponds et je jure que je ne vous quitterai et que je ne vous oublierai jamais. Me séparer de vous, ce serait souffrir ou mourir. Marguerite, lui serrant les mains. Bon Paul, comme je t'aime. Paul, et moi donc, si tu pouvais savoir comme je t'aime, comme j'aime mon père, comme j'aime... se tournant vers Madame de Rosbourg. « Ma mère, la permettez-vous ? » Madame de Rosbourg le serrant dans ses bras. « Oui, mon fils, mon cher Paul, tu seras mon fils, et je serai ta mère. » Paul reprit après un instant de silence. Mais avant que nous ayons pu nous comprendre, il nous arriva un malheur bien grand, qui nous affligea profondément. Notre bon Normand nous fut enlevé. Jacques. « Comment ? Par qui ? Pourquoi l'as-tu laissé enlever ?» Paul. « Nous n'avons pas pu l'empêcher, malheureusement. Je vous ai dit que le chef ami, qui était en visite chez le roi, avait lié amitié avec le Normand. Je vous ai dit que le Normand y avait de la répugnance, qu'il ne laissa faire le chef que pour obéir à son commandant. Nous ne savions pas alors que lorsqu'on s'était laissé lier au bras d'un homme, on s'engageait à être son ami, à le protéger et à le défendre contre tous les dangers. Et quand, après avoir coupé le lien, on le mettait à son cou, on s'engageait à ne jamais se quitter, à se suivre partout. Quelques jours après son arrivée, le chef s'apprêta à retourner dans son île. 400 à 500 de ses sauvages vinrent le chercher. On fit un repas d'adieu pendant lequel le roi parut lié au bras de mon père, le Normand à celui du chef, et moi à ceux des petits sauvages. Nous étions loin de penser que cette cérémonie que mon père avait accomplie comme un jeu et sans en connaître les conséquences nous séparait de notre brave Normand. Après le repas, les chefs coupèrent les liens et les passèrent à leur cou de même que mes petits amis et moi. Tout le monde se leva. Le Normand voulut revenir près de mon père, mais le chef lui passa le bras dans le sien et l'entraîna doucement et amicalement vers la mer. Le roi en fit autant pour mon père. Et nous allâmes tous voir partir le chef et ses sauvages. Après le dernier adieu du chef, le Normand voulut retirer son bras. Le chef le retint. Le Normand donna une secousse, mais le chef ne lâcha pas prise. Au même instant, 200 ou 300 sauvages se précipitèrent sur lui, le jetèrent à terre, le garrottèrent et l'emportèrent dans le canot du chef. Mon père voulut s'élancer à son secours, mais... En moins d'une seconde, lui aussi fut jeté à terre, lié et emporté. « Mon pauvre Normand ! Mon pauvre Normand !» criait mon père. Le Normand ne répondait pas. Les sauvages l'avaient bâillonné. « Paul, mon enfant !» cria enfin mon père. « Ne me quitte pas. Reste là, près de moi, que je te vois au moins en sûreté. » J'accourus près de lui. On voulut me repousser. Mais les petits sauvages parlèrent d'un air fâché, se mirent près de moi et me firent rester avec mon père. Je pleurais. Ils essuyaient mes yeux, me frottaient les oreilles avec les leurs. En un mot, ils m'ennuyaient et je cessais de pleurer pour faire cesser leur consolation. Les sauvages emportèrent mon père dans sa maison. Le roi vint se mettre à genoux près de lui en faisant des gestes suppliants et en témoignant son amitié, d'une manière si touchante que mon père fut attendri et qu'il regarda enfin le roi en lui souriant de son air bon et aimable. Le roi comprit, fit un saut de joie et délia une des mains de mon père en le regardant fixement. Rassuré par l'immobilité de mon père, il délia l'autre main, puis les jambes. Voyant que mon père ne se sauvait pas, il ne chercha plus à contenir sa joie. Et la témoigna d'une façon si bruyante que mon père, ennuyé de cette gaieté, le prit par le bras et le poussa doucement en dehors de la porte, lui adressant un sourire et un signe de tête amical. Il ferma la porte et nous nous trouvâmes seuls. « Mon pauvre Normand ! » s'écria mon père. « Pourquoi t'ai-je forcé à accepter ce lien maudit dont je ne connaissais pas les conséquences ? Je comprends maintenant que ce chef le regarde comme ne devant plus le quitter. Mon pauvre Paul, c'est un ami et un protecteur de moins pour toi. Mon père, lui répondis-je, je n'ai besoin de rien ni de personne tant que vous serez près de moi. Mais je regrette ce pauvre Normand. Il est si bon et il vous aime tant. Nous tâcherons de le rejoindre, dit mon père. Le bon Dieu ne nous laissera pas éternellement à la merci de ces sauvages. Ce sont de braves gens, mais ce n'est pas la France. Ni les Français, et ma femme, et ma petite Marguerite, quel chagrin de ne pas les voir. À partir de ce jour, mon père et moi, nous passions une partie de notre temps au bord de la mer, dans l'espérance d'apercevoir un vaisseau à son passage. Tout en regardant, nous ne perdions pas notre temps. Mon père abattait des arbres, les préparait et les reliait ensemble pour en faire un bateau assez grand pour nous embarquer avec des provisions et nous mener en pleine mer. Je ne pouvais pas l'aider beaucoup, mais pendant qu'il travaillait, j'apprenais à lire les lettres qu'il me traçait sur le sable. Il eut la patience de m'apprendre à lire et à écrire de cette façon. Quand je sus lire, je traçais à mon tour les lettres que je connaissais, puis des mots. Plus tard, mon bon père eut la patience de me tracer sur de grandes feuilles de palmier des histoires, des cartes de géographie. C'est ainsi qu'il m'apprit le catéchisme, l'histoire, la grammaire. Nous causions quelquefois des heures et des heures. Jamais je ne me fatiguais de l'entendre parler. Il est si bon, si patient, si gai, si instruit. Il m'apprit si bien à aimer le bon Dieu, à avoir confiance en sa bonté, à lui offrir toutes mes peines, à les regarder comme l'expiation de mes fautes, que je me sentais toujours heureux, tranquille, même dans la souffrance, tant j'étais sûr que le bon Dieu m'envoyait tout pour mon bien, et qu'en souffrant, j'obtenais le pardon de mes péchés. Quelle belle prière nous faisions matin et soir au pied de notre croix, comme nous chantions avec ferveur nos cantiques et nos psaumes. Oh, mon père, que je vous remercie de m'avoir appris à être heureux malgré nos peines et nos chagrins. C'est vous qui m'avez appris, par vos paroles et par vos exemples, à aimer Dieu, à vivre en chrétien.